Novembre est le mois du vendredi fou chez Dolbo Auto. Obtenez jusqu'à 9 000 $ en valeur totale sur les modèles 2018. De plus, bénéficiez d'un rabais de 1 000 $ sur le vendredi fou de Dolbo Auto au 1770 Boulevard Wahlberg, Dolbo, Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0570. Monsieur Stéphane Fortin vous rappelle que d'acheter localement pour soutenir notre économie. Le boxeur, mais depuis quelques années, il y a Éric Lucas, le camionneur aussi. Question un peu de savoir un peu comment il s'arrange avec sa nouvelle vie. On lui passe, lui, Éric. Ouais, bon, salut, bon après-midi. Éric, évidemment, ça a été... est-ce que tu connaissais ça depuis longtemps? Comment ça a commencé ta carrière de camionneur? Écoute, c'est tout simplement que je suis quelqu'un qui aime conduire depuis toujours. Et honnêtement, c'est en faisant la route régulièrement entre la Floride puis Montréal puis le Québec, dans le fond, à chaque hiver pour les vacances, que je me suis dit, crème, pourquoi pas je chaufferais pas des camions, parce que j'adore conduire. C'est vraiment l'endroit où je me trouve bien, je me trouve dans ma bulle, je suis bien avec moi-même dans ce moment-là. Fait que à un moment donné, j'ai fait les démarches pour avoir mon permis de classe 1, puis j'ai réussi à l'obtenir. Puis après ça, j'ai cherché une bonne compagnie de transport. Puis finalement, je suis tombé sur la compagnie Transwest, une compagnie qui est basée à Montréal, qui font de la longue distance comme moi je voulais faire. Et ça fait maintenant depuis un an quasiment complet que je fais ça, puis c'est vraiment plaisant. OK. Éric, est-ce que tu as de la misère? Je veux dire, ça prend vraiment c'est du camion de longue route, donc j'imagine qu'il faut que tu rentres dans les délais assez vite, là. Normalement. Ben, disons que c'est bien organisé. T'sais, on part avec des remorques déjà prêtes. Notre chargement il est chargé, on s'en va, on va le livrer. On a une heure de livraison qui est vraiment. On a le temps de se rendre. Le dispatch qui s'occupe de donner les livraisons s'organise pour qu'on manque pas de temps. Et après ça, le retour se fait la même chose. On prend notre remorque qui est déjà prête et on revient. Nous, on transporte lors du chemin de retour des fruits et des légumes pour Costco. Okay. Ouais. C'est une compagnie sérieuse. Les délais sont vraiment bien. Tout est bien géré de façon à ce qu'il n'y ait pas de retard. Fait que, disons que ça se passe assez bien sur ce côté-là. OK. Donc, tu peux aller en Californie aussi. Là. Tu peux aller loin. Là. Ben, moi, c'est principalement la route que je fais. Moi, là. Tu vois, là, j'ai commencé au début de ma carrière de camionneur. Je faisais la Floride. Je faisais l'état de Washington. Après ça, j'ai fait un peu de Californie. Et là, depuis les 6 derniers mois, là, je suis vraiment juste de la Californie à aller-retour Montréal. OK. Quand tu pars-tu une couple de semaines ou c'est une couple de jours? Comment ça se passe? Non, nous, c'est plus qu'on est en équipe, on conduit en team. Fait qu'on est deux chauffeurs, on roule 24 sur 24. Fait qu'en général, nos voyages se font environ en dedans de 5 jours et demi, là, c'est le gros max. T'sais, là, quand on passe 5 jours, quand on arrive autour de 5 jours et demi, c'est que ça a été un peu plus long, là, lors de la livraison ou de la récupération pour s'en revenir. Sinon, là, comme je te dis, c'est autour de 5 jours en moyenne là, pour notre voyage. Parce qu'on roule 24 sur 24, on n'arrête pas du tout. OK, OK. Donc, c'est pas le même métier du tout que la boxe. Je trouvais ça un petit peu différent totalement. Là. C'est totalement différent. Ben, on est ailleurs, c'est sûr. On est ailleurs, mais honnêtement, c'est quelque chose comme je disais tantôt. C'est comme j'expliquais aussi à des gens dernièrement, c'est pas le camion comme tel, c'est pas la mécanique qui me fait triper. Moi, c'est de faire de la route, que ce soit en voiture ou en camion. J'aime ça, puis vraiment, j'ai trouvé mon après-carrière que le fait de rouler comme ça, faire de la longue route, voir du beau paysage, découvrir des choses, je trouve que c'est vraiment le fun pour moi, c'est un beau métier pour moi. T'as pas le temps de visiter beaucoup, là, c'est vraiment, c'est où il va, hein? C'est ça, parce que nous, comme je te disais, c'est ça, nous, on est 24 sur 24, on roule, comme le fait qu'on transporte des fruits et légumes, toujours sur notre retour, fait qu'il n'y a pas de temps à perdre. Ouais. Et, les fruits et légumes sont ramassés partout dans la journée même qu'on les prête, qu'on s'en revient avec, mais c'est certain que ce soit livré là, dans des jours raisonnables. Il y a un délai quand même entre ce qui est chez Costco puis le champ, c'est quoi, 4 jours à peu près entre les deux? Ah, même pas, je te dirais, là, ça joue à 2 jours et demi, 3 jours, parce que comme je te dis, quand on prend notre remorque, elle vient juste d'être remplie. Ouais, les fruits et légumes viennent juste d'être remplis, d'être cueillis. Et nous, on repart avec, on ramène ça dans 2 jours, fait que d'après moi, ça rentre chez Costco là, au troisième jour, là, c'est déjà rentré. OK. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, est-ce que tu as de la misère vraiment à reculer? Parce que c'est des longs trailers, c'est des longs. Des remorques qui sont assez longues. Est-ce que ça t'a causé des problèmes? Ou ça a bien été? Ben, disons que, je vais être honnête, par moment, oui, mais disons que c'est une habitude. Tu sais, là, de plus en plus, je prends de l'expérience et ça vient de mieux en mieux. Et surtout, dans mon cas, souvent, où ce qu'on a à faire à reculer, on a de l'espace pour se déplacer, puis c'est plus facile un peu que c'est plus facile un peu que pour les gens qui font de la ville puis qui sont dans les petits endroits. Nous, souvent, c'est espacé et qu'on manque pas de place. Que ça se fait quand même assez bien. OK. Éric, parle-moi un peu de... Est-ce que tu suis un peu la boxe encore? C'est sûr que c'est pas, tu fais des longs voyages. Est-ce que tu suis quand même la boxe? Oui, j'essaie de garder un œil taré là-dessus. Je pense qu'au Québec, on a de la bonne boxe présentement, ouais. De bons athlètes. Beaucoup qui viennent de l'extérieur, mais quand même, sont installés chez nous parce que les entraîneurs de boxe sont de qualité et les promoteurs également. Et c'est le fun d'avoir que la boxe est en santé encore de ces temps-ci. OK. Ben, Éric, un gros, gros merci. Au plaisir de se reparler, puis bonne chance à ta carrière de camionneur. Ben, je vous remercie beaucoup. Éric Lucas.